Usaf sampa na makayad la Lucia Mada Wada Young Bass Entertainment. Baj one day, no one day now. First affair ya one drop. Epic a cup, ka cup. Then fey tiki tok. Who got the free come back baba shop now. From first affair ya one drop. Epic a cup, ka cup. Then fey tiki tok. Who got the free come back baba shop. Femme bête, belle nègre, est bien taillé. Ou gade belle femme, qu'on emplame à tout manier, moi gade. Ou naï maillé, pour tout rad, moi être chaillé. Ou ni un style qui original. Fais ça péter pap, pap, pap, qu'on bal. Ou n'a chalet, qu'on dit fait un chal. Moi aime la cora, ta man aime aïtal. Femme, fais ça fait ya one drop. Et puis ka cop, ka cop. Den fait tiki tok. Ou gade fouye, qu'on mak baba shop now. Femme, fais ça fait ya one drop. Et puis kakop. Den fey tiki tok. Ou gade fouye kon mak baba shop. Fom, fè sa bwene, desan twene. Fè sa roule kon ballon an lete wè. Pwet kon se wè, fom ka wime. Ma pou to loin, yo ka fè sa moute. Ho kon piene, doudou mwen eme. Lou fey plime, et ka fè mwen moute. Kon la fime, ou kinite. Et se gwen na isi men, peton et wime. Fè sa fè ya one drop. Et puis kakop. Den fey tiki tok. Ou gade fouye kon mak baba shop now. Fom, fè sa fè ya one drop. Et puis kakop. Den fey tiki tok. Ou gade fouye kon mak baba shop. Boom, fom. Le mwen mate na fè sa tabli. Ou mèm kay bade. Ou ye bodje na vwe nan may fime. Le mwen wime. Yolo, fomi lo. Session nou ka kwaze. Le mwen besi ou savi pa blag. Sali. Ou sav mwen bad. Na deshi we yo. Quant your hard. Come let me bring you to my whining lab. Ampa. Fais ça fait ya one drop. Et puis kakop. Den fey tiki tok. Ou gade fouye kon mak baba shop now. Fom, fais ça fait ya one drop. Et puis kakop. Den fey tiki tok. Ou gade fouye kon mak baba shop. Fom, fais ça fait ya one drop. Et puis kakop. Den fey tiki tok. Ou gade fouye kon mak baba shop now. Fom, fais ça fait ya one drop. Et puis kakop. Den fey tiki tok. Ou gade fouye kon mak baba shop. Fom,